comprendre des informations touristiques dans une conversation entre deux personnes. Exercice 2. Moi, j'aimerais bien des vacances au soleil. J'ai besoin de me reposer et de me changer les idées. Pourquoi pas le Mexique ? Écoute ça. Hôtel Oasis, situé au bord de la mer. Cuisine internationale, piscine, possibilité de pratiquer le golf et de faire du surf. Spectacle tous les soirs. 1 240 € par personne pour une semaine. Il y a ça aussi. Des vacances de rêve au Kenya. Hôtel Tiwi Beach, restaurant gastronomique, deux piscines, discothèque. Comme activité sportive, tennis et ski nautique. Le soir, fête avec musiciens et spectacles de danse. 990 € par personne pour 7 jours. C'est moins cher que le Mexique. Sinon, la Turquie, il paraît que c'est bien aussi. Regarde à Antalya Hotel Kemen Resort. Vous apprécierez son restaurant, plage privée, 3 piscines, sauna, sport, football et équitation. Excursion avec guide touristique tous les jours. 650 € par personne pour 7 jours.